quand j'ouvre cette porte, le temps se couvre et fait en sorte que je me sens pas à l'abri. Je souffre pas d'escorte et de soleil qui brille. Rien me tente, pas d'oseille, y'a pas de quoi je m'émerveille. Et ma vieille qui prend de l'âge, pourrait pas la voir partir. Le sourire de Mathéo me donne du courage, mais la météo me déprime. Mon frangin incarcéré, victime de cette vie chien comme prime. Mon chemin, je dois le débroussailler à la main, je me sens loin de chez moi. Ici, j'ai l'impression d'être l'aiguille dans une botte de foin. Personne ne m'aiguille, je dois faire attention, comme à la fin du mois. Pourquoi j'ai la somme de galère, dites-moi. Heureusement que je prends Dieu sur cette terre. Mon vieux, des fois, vaut mieux être solitaire. Un pote m'a trahi en affaire, cette salope a couché avec un ami. Trop d'inspi sur ma vie, pas de chance comme tapis avec l'OM. Une crise qui me gêne, un poème sur mon histoire accompagné de chrysanthèmes. Chaque soir, chaque soir, chaque soir, j'ai beau dire, c'est un joint que je me roule à peine entrée. Chaque soir, j'ai beau vomir, c'est à genoux que je me traîne dans l'entrée. Je t'explique ce que je vois dès que j'ouvre la putain de porte de chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce le diable qui fait des tours de passe-passe pour toutes ces femmes de Bruxelles qui pratiquent les basses? Dès que j'ouvre la putain de porte de chez moi, c'est peut-être le cœur plat qui m'guette. Sur ces années-là, cette planète part en sucette, comme ces avions qui pètent au steak. Dès que j'ouvre la porte de chez WAM, seul Dieu sait ce qui me pend au nez. On peut pas savoir si ce train, la poix, ce serait inné de la deviner. Dès que j'fais un bel, je suis livré à moi-même dans Pepperwed. À faire des trucs bizarres, à finir dans l'oued. Aussitôt que j'ouvre la lourde, mes oreilles deviennent à moitié sourdes. Mon joint somme et ma gour. Dès que j'pousse cette putain de porte, ça sent le roussi et la carotte, comme les soucis et les boîtes. Comme ce coup si je la frotte, alors que celle-ci va me la mettre sans capote. Chaque soir, j'ai beau dire, c'est un joint que je me roule à peine entré. Chaque soir, j'ai beau vomir, c'est à genoux que je me traîne à entrer. Bienvenue dans ce labyrinthe city, aux rues étroites, tout dessous, tout de toutes sortes, on surgit. Car beaucoup sont autre chose que ce qu'ils croient être. De plus, le mal guette derrière chaque porte, à chacun son antidote. Mais pour certains, se trouve à l'antipode. Et si on s'unit, peu sont ceux qui évitent la zizanie, la discorde. Alors si t'es dans les corps, avec la faim comme seul guide, baisse pas la garde de ce putain de système d'aura. Tout comme le lion bouffe l'antilope. Pour moi, la meilleure méthode pour entretenir l'espoir d'un jour meilleur, c'est de vivre au jour le jour, croire au tout puissant, sans en faire trop. Car à chaque fois, je me rappelle que laisser cette fierté s'appelle l'orgueil. Et en abusant, je pourrais vite finir dans un cercueil. Surtout si, comme moi, tu constates que Babylone peut être triste comme l'automne. Quand tu te rends compte qu'en fait, les feuilles mortes s'y ramassent à la pelle. Chaque soir. Chaque soir, j'ai beau dire, c'est un joint que je me roule à peine rentré. Chaque soir, j'ai beau vomir, c'est à genoux que je me traîne dans l'entrée. Parce que chaque soir, après la journée, enfin, enfin rentré, mon cerveau est comme toujours formaté, laminé, fatigué, éreinté, toujours de plus en plus pressé. J'ai beau dire, c'est un joint que je me roule à peine rentré. Parce que chaque soir, quand je rentre tard, je sais plus quoi faire. Parce que chaque soir, quand je suis à gare, mon cerveau est en berne, laissé pour compte au vent terne. Par une nouvelle journée perdue. Je continue donc mon train de fumeur de gens, modus et bouche cousue. Pour arriver à me concentrer, balancer quelques phrases, donner la juste voix en phase avec ce que je voudrais bien. Mais avouez que ce n'est pas rien la routine du quotidien. Alors ce que je me tape avec en train, les joints, la bière en solitaire, pour réussir à faire le point et envoyer quelques mots en l'air, quelques phrases bien tournées. Et bien chaque soir je crois bien que j'en fais rien. Posé dans le salon de mes velléités, du canapé devant la télé. Non, non, ça me permet juste de patienter jusqu'au lendemain, grisé. Chaque soir, j'ai beau dire, c'est un joint que je me roule à peine entrée. Chaque soir, j'ai beau vomir, c'est à genoux que je me traîne dans l'entrée.